Retourne à mon vibrato. Là c'est des drogues et des seins. Je mens quand je ne dis rien. Là c'est du monde puis de moi. Je ne sais comment me finir désormais. De souvenirs en dérive. De souvenirs en dérive. Refaire le passé comme un héros à jamais. Construire un hymne bancal. Comment le dire, délaissé. Je suis en haut de la flamme de glace. Tout en haut au sommet. Et je vois que bientôt il n'y aura plus personne pour me rattraper, car tout est en train de fondre, de brûler. Cette immense aurore finit de donner. Il ne grandira plus. Il va perdre ses feuilles. Commencer à sécher et les racines rongées. L'or devant plus puissant de sa grandeur, il va s'en écrouler. Et moi au sommet, et moi au sommet, j'en retomberai à ses pieds. Se balance sur une corde trop usée. D'ici je voyagerai les yeux à demi fermés. Éloigné de la plage et se tremper. Mais juste les hirondelles me manquent dans le ciel. Et la mort près de moi coupe une orange avec ses doigts. Et bientôt le vent se lève. Les feuilles isolées commencent à s'envoler. Une mot qui se libère vont bientôt s'échouer. Dans les vagues des pêcheurs, c'est la vie qui se libère. Ça n'a personne sur le quai. Mais au bout de moi, il est l'heure de rentrer. Nostalgie. Nostalgie fait que les souvenirs restent, mais ça vit au cours des années. Elle sait si un jour je pourrai y retourner. Je n'entends pas sur ce qu'elle voudrait. Faut attendre, ce sera qu'elle voudrait. Je suis plus seul que tu es avec.